chose, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui, ma sœur. Tu es héritier de Dieu, héritière de Dieu, co-héritier avec Jésus-Christ. Toutes les richesses de ton Père t'appartiennent. Pourquoi t'inquiètes-tu? Commence à prier l'Éternel. Il dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Ne regarde pas aux hommes, mais regarde à ton Dieu. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la Brèche. Nous allons lire Juge 20, 19 à 48. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Juge 20, 19 à 48. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les filles de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël, reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans les lieux où ils s'étaient placés les premiers jours. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin ?» Mon frère, l'Éternel répondit, « Montez contre lui !» Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les filles de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche d'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fille d'Éléazar, fille d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent, « Dois-je marcher encore pour combattre les filles de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir ?» L'Éternel répondit, « Montez, car demain, je les livrerai entre vos mains. » Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre les filles de Benjamin le troisième jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa, comme les autres fois. Et les filles de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple, et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois, sur les routes dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa par la campagne. Et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Les filles de Benjamin disaient, les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal Tamar. Et l'embuscade d'Israël se lança du lieu où elle était, des marais Gibéa. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel battit Benjamin devant Israël et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Les filles de Benjamin regardaient comme battus les hommes d'Israël qui cédaient du terrain à Benjamin et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. Les gens en embuscade se jetèrent promptement sur Gibéa. Ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël, ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les Benjamites leur avaient tué déjà environ 30 hommes et ils disaient, certainement les voilà battus devant nous comme dans le premier combat. Cependant, une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville. Les Benjamites regardèrent derrière eux et voici de la ville entière les flammes montaient vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face et ceux de Benjamin furent épouvantés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par le chemin du désert. Mais les assaillants attachèrent à leurs pas et ils détruisirent pendant le trajet ceux qui étaient sortis des villes. Ils enveloppèrent Benjamin, le poursuivirent, l'écrasèrent dès qu'il voulait se reposer. Jusqu'en face de Gibeah, du côté du soleil levant, il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants, parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher des Rimmon. Les hommes d'Israël en firent périr 5 000 sur les routes. Ils les poursuivirent jusqu'à Gibeah et ils en tuèrent 2 000. Le nombre total de Benjamites qui périrent ce jour-là fut de 25 000 hommes tirant l'épée, tous vaillants. 600 hommes qui avaient tourné le dos, qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimmon, demeurèrent là pendant 4 mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les filles de Benjamin. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les hommes de ville jusqu'au bétail et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Amen. Nous voyons une triste histoire qui nous parle de la guerre civile entre les enfants d'Israël et leurs frères, la tribu de Benjamin. Nous savons comment la tribu de Benjamin a commis une infâme. Elle n'a pas voulu livrer les hommes pervers qui ont violé cette jeune dame qui était concubine aux Lévites. Et c'est ce qui va engendrer la guerre. Mais nous allons voir que Dieu va se trouver du camp des enfants d'Israël. Et nous allons ici développer 5 principes qui peuvent nous aider à expérimenter la victoire. Le premier principe, c'est qu'il faut reprendre courage. Il peut arriver que pendant le combat, vous puissiez toujours perdre et vous avez échoué. Je vais parler à quelqu'un. Tu as échoué peut-être aux examens. Tu as échoué dans un concours. Tu as échoué. Tu as déposé des demandes d'emploi par-ci, par-là. On t'a toujours refoulé, mais tu ne dois pas te sentir découragé. Tu dois reprendre courage. Nous voyons ici les enfants d'Israël, sur instruction divine, ils sont partis combattre les filles de Benjamin. Mais malgré cela, pour la première fois, ils étaient battus. Qu'est-ce que le texte nous dit? Au verset 21, il est dit, « Les filles de Benjamin sorties de Gibeah, ils étendirent sur le sol ce jour-là, 22 000 hommes d'Israël. » Mais le verset 22 dit, « Le peuple, les hommes d'Israël, reprirent courage. » Il faut reprendre courage, malgré les échecs, malgré les problèmes. Il ne faut pas dire, « Je vais abandonner, je vais encourager une jeune dame. » Écoute-moi bien, tu as commencé à faire du commerce, tu es parti à Dubaï et tu as tout perdu. On t'a escroqué, mais j'aimerais te dire, reprends courage. Tu vas encore réussir. Il ne faut pas dire, « Je ne vais plus faire le commerce. » L'Éternel est capable de te restaurer. Reprends courage. C'est le principe que tu dois comprendre. Deuxième principe. Il faut persévérer dans la prière en consultant l'Éternel. Vous voyez, il faut persévérer. À plusieurs reprises, les enfants d'Israël, malgré les résultats, ils ne sont pas découragés, ils ont persévéré. Il y a cette phrase qui revient. Et ils consultèrent l'Éternel. Ils pleurèrent. Lorsque tu as une difficulté, lorsque tu as un problème, tu ne dois pas aller vers les marabouts. Tu ne dois pas consulter les hommes. Il faut consulter l'Éternel. Comment? Dans la prière. Il est dit ici, au verset 23. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, « Dois-je m'avancer encore pour combattre les filles de Benjamin, mon frère ?» L'Éternel répondit, « Montez contre lui. » Vous voyez, quand nous consultons Dieu, c'est là que nous recevons de lui là les directives que nous devrons suivre dans tout ce que nous faisons. Et malgré cela, nous voyons qu'ils ont encore essuyé une défaite. Et il est dit au verset 26, « Tous les enfants d'Israël et tous les peuples montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. » Vous voyez, c'est important de consulter Dieu. Il ne faut pas te lasser. Troisième principe, il faut ajouter à la prière le jeûne. Il y a des situations où, lorsque tu ne vois pas la différence, lorsque tu ne vois pas un changement, tu es en train de combattre les puissants des ténèbres, tu es en train de prier pour ton mariage, il faut ajouter un jeûne. Ça peut être un jeûne d'un jour, ça peut être de 3 jours ou de 7 jours. Oui, le jeûne est un exercice spirituel qui est efficace. Jésus pouvait dire, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière accompagnée du jeûne. Il est dit au verset 26, « Ils jeûnèrent en ce jour-là jusqu'au soir. » Nous devons apprendre à jeûner, à nous humilier devant l'Éternel pour que nos prières deviennent efficaces. Quatrième principe, nous devons apprendre à faire des offrandes à Dieu. Oui, il y a des fois où l'offrande que tu donnes à Dieu peut accélérer, peut déclencher une bénédiction spéciale, peut ouvrir les portes, vous voyez. Et ici, les enfants d'Israël, ils ont compris. Pour la première fois, ils ont invoqué l'Éternel. Ils ont encore invoqué l'Éternel pour la deuxième fois. Mais ici, ils ont ajouté les jeûnes et ils ont ajouté les offrandes d'action de grâce, les sacrifices d'action de grâce. Vous voyez, il est dit, ils jeûnèrent en ce jour, verset 26, jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Vous voyez, c'est comme des ingrédients qui peuvent toucher le cœur de Dieu. Je vais parler à quelqu'un. Tu veux toucher le cœur de Dieu librement, sans que quelqu'un ne t'impose quoi que ce soit. Apprends parfois à donner quelque chose, à faire un vœu à Dieu, à toucher le cœur de Dieu par une offrande particulière pour que le Seigneur puisse agir de manière particulière. Et vous allez voir que c'est cette fois où ils ont jeûné, où ils ont donné des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, que le cœur de Dieu a été touché. Lorsqu'ils sont partis, ils ont pu avoir la victoire. Cinquième principe, il faut laisser Dieu combattre à votre place. Vous voyez, il faut donc que tu sois sûr que Dieu est dans et de ton côté. Le verset 34 dit, 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Les combats furent rudes et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. Verset 35, l'Éternel battit Benjamin devant Israël et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. En réalité, ceux qui étaient sur les champs de bataille, c'était les enfants d'Israël. Mais ici, le texte spécifique, c'est l'Éternel qui battit Benjamin. Cela veut dire quoi? Ça dit qu'en réalité, dans ce combat qui opposait les deux camps, les autres tribus des enfants d'Israël et Benjamin, Dieu était du côté des enfants d'Israël. Mon frère, lorsque Dieu combat pour toi, il te donnera la victoire. C'est pourquoi il pouvait dire, l'Éternel combattra pour toi et vous gardez silence. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais ce matin que nous puissions le louer, le célébrer en chantant ces cantiques. Kolonanga Yesu, kolonanga. Kolonanga nalukio nalilita ozalite. Kolonanga Yesu, kolonanga. Kolonanga nalukio nalilita ozalite. Kolonanga Yesu, kolonanga. Kolonanga nalukio nalilita ozalite. Kolonanga Yesu, kolonanga. Kolonanga nalukio nalilita ozalite. Nalukio nabawe kolonanga. Nalukio nalilita kolonanga ozalite. Kolonanga Yesu, kolonanga. Kolonanga nalukio nalilita ozalite. Kolonanga Yesu, kolonanga. Nalukio nalilita kolonanga ozalite. Kolonanga Yesu, kolonanga. Kolonanga nalukio nalilita ozalite. Ozali na bomoi lelo lobili bela. Ozali na bomoi lelo lobili bela. Yesu ozali na bomoi lelo lobili bela. Ozali na bomoi lelo lobili bela. Ozali na nguya lelo lobili bela. Ozali na bomoi lelo lobili bela. Ozali na nguya lelo lobili bela. Ozali na bomoi lelo lobili bela. Yesu ozali ndenge moko lelo lobili bela. Ozali na bomoi lelo lobili bela. Mokolo Yesu e, ibela Yesu e, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Ibela Yesu. Louez le Seigneur. L'Éternel des armées, il est digne de recevoir la gloire, digne de recevoir la louange. Loué, loué, loué, loué, loué, loué. Tukajini, Tukajini, Tukajini, Tukajini, Tukajini, Tukajini. Il est digne de recevoir la gloire et la louange. Omoi nanga na besi na yo papa, omoi nanga na besi na yo papa, omoi nanga na besi na yo papa, omoi nanga na besi na yo papa. Alpha Omega, lewa dewae, Alpha Omega, lewa dewae. Emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma emma Yesu ye mokonzi na ngayo, aleluya. Yesu yo elikya na ngayo, aleluya. O Yawe na nga lika na embela yo, o Yawe na nga kana kubisa yoi. Yema yema yema yema yema yema yema yema yema yema yema yema yema yema yema yema. Louwe il est l'Éternel des armées, digne de recevoir la gloire. Louwe, louwe, loué, loué, loué, loué. Tukajini, Tukajini, Tukajini, Tukajini. Gloire à Dieu, il est le Dieu qui combat pour nous. Il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Yahvé Sabaoth. Je voudrais que tu élèves ta voix là où tu es. Commence à bénir ce Dieu. Il est merveilleux, il est grand, il est redoutable. Élève ta voix. Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu, toi le Dieu grand, le Dieu redoutable. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te célébrons, notre Dieu, nous te louons. Toi le Dieu qui combat pour nous. Oui, toi qui veilles sur nous, toi qui combat pour nous jour après jour. Tu ne dors ni ne sommeilles. C'est pourquoi nous t'élevons en ce moment, ô notre Seigneur, notre Dieu. Nous te louons, le Seigneur de gloire, le Seigneur des seigneurs. Toi, le Dieu qui nous fortifie, même quand nous sommes fatigués. Oui, c'est toi qui nous aides à persévérer dans la prière. Nous t'élevons au notre Seigneur, toi le Dieu qui nous donne la force de jeûner, de prier, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne sommes rien, mais ta grâce nous suffit. Merci au Seigneur, toi qui veux que nous puissions nous attendre à toi. Merci au Père, toi le Dieu d'amour qui nous a donné ce que tu avais de cher. Tu veux également que nous puissions t'offrir ce que nous avons en retour à ce que tu as fait pour nous. Ô Père, nous voulons d'abord nous offrir à toi et t'offrir, Seigneur, ce que nous possédons. Nous te bénissons, notre Père et notre Seigneur, notre Dieu, le Père de gloire, le Père d'amour. Et nous t'élevons en ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à l'émission OSB, Opération sous la brèche. Notre texte du jour, c'est Juges 20, 19 à 48. Vous pouvez réécouter cette émission en consultant notre site web www.radiofréquencevie.com. Je reprends www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir plusieurs vérités, le principe pour être victorieux sur nos ennemis dans le combat. Le premier principe, c'est qu'il faut reprendre courage. Peut-être que tu as échoué plusieurs fois dans ce que tu fais. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je veux reprendre courage. Je vais encore essayer avec toi. Et je sais que tu me donneras la victoire. Tu me donneras le succès. Prie l'Éternel au nom de Jésus et chasse l'esprit de découragement. Très excellent Père, c'est une joie pour moi de me tourner vers toi ce matin pour invoquer ton nom. C'est une joie pour moi de me tourner vers toi ce matin et exprimer ma reconnaissance pour tous tes bienfaits. Parce que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Et la joie de l'Éternel est notre force. Dans cette joie, ô Père éternel, nous nous tournons vers toi et nous prenons autorité par ton soutien sur tout esprit de découragement. Nous déclarons que tout esprit de découragement est lié au nom de Jésus-Christ. Toi qui relèves la tête de ceux qui sont dans l'abattement, toi qui essuies les larmes de ceux qui sont en pleurs, nous nous tournons vers toi ce matin et nous demandons, Père éternel, que tu nous soutiennes, que tu renouvelles nos forces et que toute forme de découragement soit ôtée de notre vie. Renouvelle notre zèle, renouvelle notre foi, renouvelle notre engagement par la puissance de ton Esprit Saint. Nous prions ce matin dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que nous marchons avec le zèle du lion, comme le dit la Bible. Aucun obstacle, aucun blocage ne pourra nous décourager. Nous prenons autorité sur tout esprit de non-accomplissement et nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Christ est notre soutien, Christ est notre force et avec lui, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Nos ennemis viendront contre nous par un chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi que nous devons consulter Dieu. Lorsque nous voyons que ça ne marche pas, consultons comme les enfants d'Israël, consultons Dieu, jeûnons même s'il le faut, dans le nom de Jésus-Christ, et donnons même des sacrifices s'il le faut d'action de grâce, pour que la main de Dieu soit déclenchée au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sois béni ce matin parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, comme Jésus pouvait le dire dans Jean 15, verset 5. Que pouvons-nous faire sans la direction de ton esprit, sans la conduite de ta parole? C'est avec toi, c'est pour toi, parce que tu veux notre bien. C'est pourquoi tu nous dis, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Ce matin, nous voulons prier pour tes enfants, dans tous les domaines de leur vie, à te consulter, à s'appuyer sur toi, à te consulter à toute occasion dans la prière. Nous prions que tu interviennes, parce que la corruption ne peut pas nous aider. Le soudoiement ne peut rien faire si ce n'est ta parole. Si ce n'est ta parole. Parce que tu dis, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu es le seul Dieu qui a le pouvoir de nous donner ce que notre cœur désire. Et de nous mettre sur le bon chemin. Nous voulons te prier ce matin. Que tes enfants qui prient, qui pleurent, qui gémissent, qui soupirent, afin que tu leur révèles ta volonté dans les décisions qu'ils ont à prendre. À toi la gloire, à toi l'honneur, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous allons recommander notre pays entre les mains du Seigneur. Nous savons que la période que nous traversons est une période sensible. Oui, dans nos pays africains, chaque fois qu'on est dans une période électorale, il y a tout souvent des bousculades, il y a souvent des problèmes. Nous allons prier pour que la paix du Seigneur demeure dans cette nation, dans le nom de Jésus-Christ, et que nous menions une vie paisible et tranquille au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Grand Dieu, nous élevons ton nom, nous te bénissons. Merci pour ce merveilleux pays que tu nous as donné. La Bible dit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Ce matin, je voudrais te prier pour la Côte d'Ivoire. Je prie que ta paix, que ta sagesse soit l'objet de nos pensées, de nos actions, en tout temps et en tout lieu. Merci de nous motiver à faire tous les jours ce qu'il convient de faire pour que seule ta volonté s'accomplisse dans ce pays. Merci pour tous les pays africains qui sont en quête d'une paix durable. Paix pour tous les pays qui sont dans les tensions, les pays africains qui sont dans les saisons électorales. Que ton esprit soit activé dans les cœurs, que ton esprit vienne pour toucher le camp de ceux qui sont au pouvoir et que ceux aussi qui s'opposent au pouvoir sortant, Seigneur, tu leur donnes de ne point entraîner le peuple à l'abattoir. Assagis ton peuple, assagis chaque peuple et donne-nous, Seigneur, de savoir compter sur toi. Tu es le Dieu des temps et des circonstances. Merci parce que la bénédiction vient de toi et c'est toi qui établis les autorités. Et nous voulons savoir, nous voulons reconnaître que toute chose que tu fais sous le ciel est pour un enseignement précis, pour une bénédiction quelconque. C'est pour cela, Seigneur, daigne nous visiter dans nos cœurs, de nous donner d'avancer et de nous donner la bénédiction qu'il faut au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est dimanche, 8 novembre, nous voulons rappeler notre rendez-vous de 17h. Au CPE, dans la même cour que la radio Fréquence Vie, bonheur conjugal pour les célibataires. Thème, l'importance de la sanctification avant les mariages. L'entrée est libre. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force.